Le journal sud-coréen Pyongyang Sinmun a fait paraître le 29 décembre 2016 un éditorial pour l'annulation de l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel pour l'armée japonaise. L'éditorialiste indique que le Japon ne reconnaît ni ses crimes de l'agression du passé, ni ses responsabilités juridiques, que le gouvernement de Bakune a reçu 1 milliard de yens pour faire la promesse de la solution définitive et irréversible du problème de l'esclavage sexuel, et qu'il faut annuler tout de suite l'accord tout à fait invalide.